Les yeux des mères qui ont vu leur gosse encore hier. Maintenant, ils survivent dans leur cœur, tu vois. C'est ça le malheur. Voir un être cher partir avant l'heure. Faut faire avec, c'est clair. Faut pas faire de marche arrière. C'est facile pour moi de dire tout ça. Mais si ça peut vous aider, je le dirai encore deux fois. Ça met la rage quand j'entends qu'une bande de gosses sont pris en otage. T'imagines ce que vivent les mères et l'état de leur visage. Je t'assure qu'une mère en furie, ça finit toujours par une tuerie. C'est contradictoire, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Trop de souffrance parcourt nos âmes et à chaque fois on verse trop de larmes. À quoi bon survivre si bas si notre source de vie s'est décrochée de soi. Avoir un être cher qui vient de mourir, c'est ce qu'il y a de pire. Trop de larmes coulent de nos cœurs qui saignent, un tel point que la haine remplace la peine. C'est sûr mon frère, on blâme la vie alors qu'on a oublié les prières. La vie vaut vraiment la peine d'être vécue, mais trop d'entre nous sont partis avant d'avoir tout vu. Je blâme l'héros qui a fait des héros, des zéros. Trop de mecs sont tombés dans le caniveau, trop de bons gars y ont laissé leur peau, tu sais ça. J'en connais au moins une dizaine mon gars, c'est dommage de les voir tomber si bas. Chez certains, c'est la vie de cité qui les mène sur ce chemin, et dans leurs mains, il ne reste plus rien. Ouais mon gars, il ne reste plus rien. Dis-moi, t'as une solution, je ne trouve rien de juste dans tout ça. On meurt trop jeune, c'est qu'on faut profiter à max, tu sais ça. Mais parfois on n'a pas le choix, c'est le bon Dieu qui décide, tu vois. Ça déchire le cœur de voir tout ce malheur. Le mal est toujours à l'heure, leurré par l'éphémère, on se meurt. Et je m'explique, je parle de la défense, toutes ces drogues qui t'enfoncent. Je blâme l'héros qui a fait des héros, des zéros. Inclus le Sky qui nique les alcoolos. Et à qui profite la Nemo? À l'état, cette bande de psychos. De leur coup de gueule, ils ont engendré la guerre. Et de leur faute sont morts nos frères. Défendre Saint-Nation, c'est bien. Mais à quoi ça sert si tu n'es plus sur Terre? Quand je pense au nucléaire, je m'inquiète et je désespère. Je blâme l'état qui met les soldats dans des trous à rats. À croire qu'on est bon qu'à tout ça. Toujours rien de juste dans tout ça. Trop de veuves et d'orphelins pleurent. Pleurent leur destin incertain. We'll be right back.